Chapitre 3e, le docteur Thorne. Voilà donc le docteur Thorne établi dans le petit village de Grishamsbury pour y passer sa vie, ainsi qu'on le pratiquait alors, et ainsi qu'on devrait encore le faire, si l'on consultait un peu moins sa dignité et un peu plus le désir d'être utile. Il ajouta à sa profession de médecin celle de pharmacien. Il va sans dire qu'on le blâma hautement. On alla jusqu'à dire qu'il n'était pas réellement docteur, et ses confrères, qui savaient parfaitement que son diplôme était en règle, encouragèrent eux-mêmes cette calomnie. Le docteur Thorne avait un très grand défaut aux yeux des autres praticiens. Il était nouveau venu et, par conséquent, de trop. Grishamsbury n'était qu'à 15 miles de Barchester, où se trouvaient au moins 10 médecins, et qu'à 8 miles seulement de Silverbridge, où un médecin était établi depuis plus de 40 ans. Le prédécesseur du docteur Thorne, à Grishamsbury, était un humble praticien qui professait le plus profond respect pour les docteurs des environs, et quoiqu'on lui permît d'administrer des médicaments aux domestiques du manoir et quelquefois aux enfants, il n'avait jamais eu la prétention de se mettre sur le même rang que ses supérieurs. Outre cela, le docteur Thorne fit savoir à tout le monde dans le Barsetshire que ses visites seraient de 7 shillings 6 pence dans un circuit de 5 000 et qu'elles augmenteraient proportionnellement en raison de la distance. Il y avait quelque chose de bas, de petit, de mesquin dans tout cela, du moins au dire des fils d'Esculape, qui s'étaient réunis en congrès à Barchester. En premier lieu, cela prouvait que ce Thorne ne pensait qu'à l'argent, comme un apothicaire qu'il était. Tandis que s'il eût été un véritable docteur, s'il n'avait eu les sentiments, il aurait accepté philosophiquement n'importe le gain qui se serait présenté dans le cours de sa carrière. Un médecin devrait recevoir ses honoraires de manière que sa main droite ne sût pas ce que reçoit la main gauche, sans arrière-pensée, sans réflexion. Ce vil Thorne n'hésitait pas à rendre la monnaie d'une pièce de 10 shillings. Il manquait totalement de dignité. On pouvait journellement le voir dans sa boutique occupée non pas à des expériences scientifiques pour le bien des générations à venir, mais à préparer des poudres pour des paysans et à faire des emplâtres pour des rustres. Un pareil homme était indigne d'être admis dans la société du docteur Philgrave de Barchester, il faut en convenir. Et cependant, il avait été admis dans celle du vieux squire de Grishamsbury, qui était si honoré dans le pays, que le docteur Philgrave lui-même n'eût pas refusé d'attacher les cordons de ses souliers. À la mort du vieux squire, comme on connaissait le caractère de Lady Arabella, on pensa que le règne du docteur Thorne allait finir, mais on se trompait. Notre docteur avait déjà gagné les bonnes grâces de l'héritier, et quoique n'existât pas une grande sympathie entre lui et Lady Arabella, il conserva sa place, non seulement dans la maison et auprès des enfants, mais encore à la table du squire. C'en était assez pour le rendre impopulaire parmi ses confrères. Le docteur Philgrave, qui avait à soutenir sa réputation et qui voyait presque sur un pied d'égalité les princes de la science appelés de la métropole en consultation, refusa de se rencontrer auprès d'un malade avec le docteur Thorne. L'honneur de sa profession le lui interdisait, quel que fût son respect pour les hôtes de Grishamsbury qui tombaient malades et auprès de qui il aurait voulu accourir avec toute la vitesse d'une chaise de poste. C'était donc une guerre déclarée, car si le docteur Thorne avait une protubérance cérébrale plus développée qu'une autre, c'était bien celle de la combativité. Non qu'il fût querelleur de nature, ou qu'il aimât à provoquer la bataille, mais il avait en lui quelque chose qui l'empêchait de jamais reculer si on l'attaquait. Il ne convenait jamais de son tort dans une argumentation, ou du moins il n'en convenait qu'avec lui-même, et quant à certaines de ses manies, il aurait tenu tête au monde entier. On comprendra donc sans peine qu'il releva vivement le gant que le docteur Philgrave lui avait ainsi jeté à la face. Une polémique s'engagea entre eux dans le journal de Barsetshire, et quoique chaque réplique du docteur Philgrave se termina par la déclaration qu'il ne répliquerait plus, une nouvelle lettre plus mordante du docteur Thorne le forçait de reprendre la plume avec le vain espoir de réduire son adversaire au silence. C'était toujours le docteur Thorne qui avait le dernier mot. Cette piquante correspondance eut un écho jusqu'à Londres. certaines particularités de son caractère faillirent parfois susciter au docteur Thorne d'autres ennemis que ses confrères. Comme homme, il avait la prétention de ne reconnaître aucun supérieur. S'il respectait les prérogatives de la noblesse, il respectait plus encore celles de l'âge et du talent. En parlant à un duc, il lui accordait son titre, et ne se permettait aucune familiarité avec les gens haut placés, en leur laissant le privilège de faire les avances. Mais à part cela, il se croyait l'égal de qui que ce fût sur la terre. Ce n'était pas de sa part une orgueilleuse vanterie. Il ne disait pas ouvertement au comte de Courcy qu'il ne se trouvait pas plus honoré de dîner au château de Courcy qu'au presbytère, mais sa façon d'agir le disait aussi clairement que ses paroles eussent pu le faire. Ce sentiment était peut-être bon à lui-même, et certes, le docteur Thorne était justifié par la manière dont il se conduisait vis-à-vis de ses inférieurs. Mais il y avait folie de sa part à s'insurger contre la hiérarchie sociale, d'autant plus qu'il était un conservateur dans l'âme. Ce n'est pas trop dire que d'affirmer qu'il haïssait un lord à première vue, et cependant il aurait sacrifié sa fortune, son sang, son énergie en combattant pour la Chambre des Lords. S'il avait au moins tenu à se concilier les bonnes grâces des dames, mais ce n'était pas un docteur galant. Il était même brusque, impérieux, et se laissait aller à une raillerie qui n'était pas toujours comprise. Non, ce n'était pas ce qu'on appelle un homme aimable, quoique ce fût un homme aimant et un noble cœur. Il fallait le connaître intimement pour apprécier ce que ce cœur enfermait de droiture, de bonté réelle et de tendresse presque féminine. Ce n'était pas le médecin des indispositions légères. Il n'avait aucune indulgence pour ceux qui se croyaient malades sans l'être. Et il avait tort de les rudoyer sans doute, puisqu'il ne recevait pas moins ses honoraires à chaque visite. Mais jamais la vraie souffrance ne le trouva brusque, et ceux qu'il avait soignés sur un lit de douleur ne se plaignirent jamais de sa rudesse. Pour combler la mesure de tous ces désavantages, le docteur Thorne n'était pas marié. Les femmes en général, et je suis assez de leur avis, pensent qu'un médecin doit être marié. On trouve qu'un docteur marié a quelque chose de tendre et de paternel, qu'il est plus au fait des besoins de ses malades, et qu'il perd ce je ne sais quoi de roide et de farouche qui fait partie des attributs de l'homme. Outre le presbytère, situé au milieu d'un vaste jardin et qui n'admettait pas de comparaison avec les autres habitations du village, il y avait, aux deux extrémités de l'angle droit formé par la longue rue dont j'ai parlé, deux jolies maisons ayant chacune un grand jardin et de belles écuries. C'était dans une de ces deux maisons, la moins grande, qu'à son arrivée à Greshamsbury, le docteur Thorne avait été installé par le vieux Squire, et il l'occupait encore quand le jeune Frank atteignit sa majorité. Avant d'aller plus loin, nous ferons tout aussi bien d'ajouter que l'autre était habité par M. Humblebay, l'homme d'affaires de la famille. Pendant près de 12 ans, le docteur Thorne demeura là, seul, et puis 12 encore à peu près avec sa nièce. Mary avait 13 ans lorsqu'elle se vit placée à la tête de la maison de son oncle. Son arrivée amena de grands changements dans les habitudes du docteur. Jusqu'alors, il avait vécu en garçon, c'est-à-dire comme il avait pu, n'ayant pas une seule pièce meublée confortablement, et attendant que le moment fût arrivé de modifier les habitudes de sa maison. Ses heures de repas étaient irrégulières, ses livres, ses vêtements n'avaient point de place fixe. Il avait dans sa cave quelques bouteilles de bon vin, et de temps à autre il invitait quelques vieux garçons comme lui à partager son frugal dîner, mais en dehors de cela, les soins du ménage l'occupaient fort peu. Pourvu qu'il eût le matin un grand bol de thé avec 2 œufs, qu'on lui tînt une espèce de repas toujours prêt lorsqu'il rentrait, et qu'on lui donnât un autre grand bol de thé le soir, il ne demandait rien de plus. Tout cela changea lorsque Mary vint à Greshamsbury. On s'était d'abord demandé, et Mrs. Humblebee en particulier, comment un homme comme le docteur Thorne pouvait vivre au milieu d'un pareil désordre, et maintenant on se demanda comment il pouvait trouver nécessaire d'entasser tant de meubles chez lui. Il est vrai de dire que Mrs. Humblebee avait bien lieu de s'étonner, car jamais on ne vit maison si bouleversée. On la remeubla du haut en bas. Le docteur la fit repeindre pour la première fois depuis son installation à Greshamsbury. Il fit mettre des papiers de tenture, des tapis, des rideaux, des glaces. Enfin, on aurait dit qu'une Mrs. Thorne allait arriver pourvue d'une belle dot, tandis que tout ce remue-ménage était pour une fillette de 12 ans. « Et comment a-t-il pu savoir ce qu'il fallait acheter ?» demanda Mrs. Humbleby à son amie Miss Gushing, comme si elle eût jugé le pauvre docteur incapable de discerner une chaise d'un fauteuil. Au grand étonnement de Mrs. Humbleby et de son amie Miss Gushing, le docteur s'en tira à merveille, sans en rien dire à personne, car il n'était pas communicatif, et quand Mary Thorne arriva de sa pension de Bath, où elle avait été placée à l'âge de 6 ans, elle se trouva tout de suite installée dans un vrai petit paradis. Nous avons dit que, déjà avant la mort du vieux Squire, le docteur Thorne s'était gagné l'affection de son fils, et que cette mort n'avait eu aucun résultat fâcheux pour lui. Malheureusement, il n'en fut pas toujours ainsi. Il y avait 6 ans de différence entre M. Gresham et le docteur. En outre, M. Gresham paraissait plus jeune qu'il ne l'était. C'était le contraire chez le docteur, ce qui n'empêchait pas qu'il n'existât une grande affection entre eux. Ce fut cette affection qui protégea le docteur pendant plusieurs années contre les attaques réitérées de Lady Arabella. Mais l'eau qui tombe goutte à goutte finit toujours par user le roc. Les prétentions du docteur Thorne, ses tendances démocratiques et ses visites à 7 shillings 6 pence, jointes au peu d'attention qu'il faisait aux airs que se donnait Lady Arabella, finirent par la pousser à bout. Il soigna Frank pendant ses maladies d'enfant, et réussit également avec Augusta et Béatrix. Mais comme ses succès étaient dus à un système totalement opposé à celui du château de Courcy, on ne lui en tint aucun compte. À la naissance de la 3e fille, qui était une frêle petite plante, le docteur Thorne défendit à sa mère le séjour de Londres. Comme elle aimait sincèrement son enfant, elle obéit, mais elle n'en détesta pas moins le médecin qu'elle croyait de connivence avec son mari. Puis, comme le docteur commanda plus que jamais l'air de la campagne pour la 4e petite fille, Lady Arabella finit par se dire que le médecin de son mari n'était pas un Salomon. Pendant une absence de M. Gresham, elle envoya chercher le docteur Philgrave, l'assurant que ni ses yeux ni sa dignité n'auraient à souffrir de la présence de son ennemi, et elle trouva une grande consolation auprès du docteur Philgrave. Après une telle insulte, le docteur Thorne fit comprendre à M. Gresham qu'il ne pouvait pas continuer ses visites comme médecin à Greshamsbury. Le pauvre Squire n'y pouvait mais, et quoiqu'il continuât ses relations amicales avec son voisin, les visites de 7 shillings 6 pence furent suspendues. Le docteur Philgrave de Barchester et le médecin de Silverbridge se partagèrent la responsabilité de la santé des enfants, et le système pratiqué au château de Courcy redevint en vogue à Greshamsbury. Cet état de choses dura plusieurs années, années d'affliction et de deuil. On ne doit pas attribuer aux ennemis du docteur les souffrances, les maladies et les morts qui survinrent. Les 4 frêles petites créatures qui moururent auraient peut-être été enlevées alors même que Lady Arabella eût continué à consulter le docteur Thorne. Quoi qu'il en fût, elles moururent, et le cœur de la mère l'emporta sur l'orgueil de la femme chez Lady Arabella. Elle s'humilia devant le docteur, ou du moins, elle se serait humiliée devant lui s'il le lui eût permis. Mais le bon docteur, les yeux pleins de larmes, lui prit les mains, les serra affectueusement dans les siennes et coupa court à toute espèce d'excuse en l'assurant que l'affection qu'il avait pour tout ce qui appartenait à Greshamsbury lui rendait son retour doublement cher. C'est ainsi que les visites à 7 shillings 6 pence recommencèrent et que finit le triomphe du docteur Philgrave. On se figure la joie des enfants de Greshamsbury. Entre autres talents, le docteur avait aussi celui de se faire chérir des enfants. Il aimait à causer et à jouer avec eux. Il en portait jusqu'à 3 ou 4 à la fois sur son dos et inventait les jeux les plus amusants au moment même où l'on s'y attendait le moins. Mais ce qui valait encore mieux, les médecines prescrites par lui étaient loin d'être aussi mauvaises que celles qui venaient de Silverbridge. Il avait surtout à cœur le bonheur des enfants, et quoiqu'il ne fût pas disposé à rejeter complètement les préceptes de Salomon, tout en se réservant de n'en jamais faire lui-même l'application, il trouvait que le principal devoir des parents était de viser à rendre leurs enfants heureux. Selon lui, on ne devait pas s'occuper uniquement du bonheur à venir de l'homme, on devait encore assurer celui de l'enfant pendant son enfance même. Pourquoi, disait-il, chercher un avantage futur aux dépens du bonheur présent quand les résultats sont si douteux? Quoi? Lui objectaient ses antagonistes, espérant quelquefois l'embarrasser. Doit-on ne pas apprendre à lire à Johnny parce que Johnny n'aime pas apprendre à lire? Apprenez-lui à lire, sans aucun doute, répondait-il. Mais pourquoi Johnny n'aimerait-il pas apprendre à lire? Si le précepteur sait s'y prendre, l'enfant apprendra non seulement à lire, mais il apprendra encore à aimer la lecture. Mais, continuait-on, il est nécessaire de maintenir les enfants dans de certaines bornes. Et les hommes aussi, répondait le docteur. Je n'ai pas droit de voler vos pêches, ni celui de nuire à votre réputation, quelque disposé que j'y puisse être par mes mauvais penchants. Et cependant, je m'abstiens de le faire, sans qu'il m'en coûte, pour ainsi dire, le moindre chagrin. Et chacun gardait son opinion. En attendant, tous les enfants des environs affectionnaient notre docteur. Il existait toujours entre lui et le squire une grande amitié, mais grâce à certaines circonstances qui s'étaient passées dans le cours des dernières années, le squire se sentait quelquefois mal à l'aise avec le docteur. M. Gresham devait une forte somme d'argent, et qui plus est, il avait vendu une partie de sa propriété. Or, un des plus grands sujets d'orgueil des Gresham, c'était de pouvoir dire que leur domaine, franc de toute substitution, était toujours descendu intact aux héritiers mâles, bien que chaque propriétaire de Greshamsbury eût le droit d'en disposer à sa volonté. Aucun doute ne s'était jamais élevé à cet égard. Les dettes contractées de temps à autre pour subvenir à l'établissement des cadets de la famille avaient toujours été liquidées, et le squire actuel était entré en possession d'un patrimoine franc de toute hypothèque. Cependant, il en avait vendu une partie, et cela par l'entremise en quelque sorte du docteur Thorne. C'était là une source de profond chagrin pour lui. Personne plus que M. Gresham ne tenait au nom et à l'honneur de sa famille, à son vieux blason et à sa réputation. Il était Gresham du fond du cœur, mais il n'avait ni le courage ni l'énergie de ses ancêtres, et pour la première fois, la famille des Gresham était menacée de tomber en décadence. On s'était vu forcé, 10 ans environ avant l'époque où commence cette histoire, de réaliser une forte somme pour faire face à des exigences impérieuses, et l'on crut que le moyen le plus avantageux d'obtenir cette somme serait de vendre une partie de la propriété, un tiers à peu près. C'est ce que l'on fit. Boxall Hill était situé à moitié chemin entre Barchester et Greshamsbury. C'était le meilleur endroit du comté pour la chasse aux perdrix, et les chasseurs du Barsetshire ne connaissaient pas de meilleur rendez-vous pour la chasse au renard que Boxall Gorse. Il n'y avait pas d'habitation dans l'enceinte même de cette propriété, complètement séparée de celle de Greshamsbury. M. Gresham s'était décidé à la vendre, mais non sans un profond chagrin. Boxall Hall fut donc vendu, et bien vendu, à un ancien habitant de Barchester qui s'était fait une grande fortune. Nous reparlerons de lui dans la suite. Il suffit de savoir que le docteur Thorne était son conseiller dans toutes ses affaires d'argent, que ce fut par son entremise qu'il acheta Boxall Hill, et que plus tard il prêta au squire des sommes considérables. Voilà pourquoi M. Gresham s'était vu forcé de mettre le docteur en tiers dans toutes ses transactions financières, et qu'il était quelquefois même obligé de subir ses remontrances. Après avoir aussi longuement parlé du docteur Thorne, il nous reste à ajouter quelques mots sur Mary avant de nous lancer dans notre narration. Le rideau sera levé et l'on pourra voir la scène à découvert. Mary, enfant, était restée dans une ferme jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle avait été ensuite placée dans une pension à Bath, d'où elle sortit 6 ans plus tard pour aller demeurer chez le docteur. N'allez pas croire que son oncle l'eût perdue de vue pendant ses premières années. Il avait trop présente à la pensée la promesse qu'il avait faite à sa mère, et longtemps avant l'arrivée de Mary chez lui, le sentiment des devoirs qu'il s'était imposé envers elle avait fait place à une affection sans bornes pour le seul être qui lui appartint ici-bas. Il reçut donc Mary avec une joie d'enfant. Il s'était donné autant de peine pour lui ménager une surprise qu'il s'en serait donné en préparant une mine pour faire sauter l'ennemi. Il lui montra d'abord la pharmacie, puis la cuisine. De là, ils passèrent à la salle à manger et aux chambres à coucher. Ils arrivèrent enfin au milieu des splendeurs du salon. Là, le bon docteur l'assura en plaisantant qu'il n'y mettrait jamais les pieds sans sa permission et sans avoir préalablement ôté ses bottes. Tout enfant qu'elle était, Mary comprit parfaitement la plaisanterie, elle s'y prêta comme une petite reine, et l'oncle et la nièce devinrent les meilleurs amis du monde. Mais, quoique Mary fût une petite reine, il était nécessaire de songer à son éducation. Il n'y avait pas longtemps que Lady Arabella avait rappelé le docteur Thorne, et pour cimenter leur réconciliation, elle avait offert à Mary de partager les leçons de musique d'Augusta et de Béatrice. Trois fois par semaine, un maître venait de Barchester et passait 3 heures au manoir. Lady Arabella offrit à Mary d'être présente à ses leçons. Le docteur la remercia et accepta son offre sans hésiter, en ajoutant qu'il s'arrangerait lui-même pour le prix avec le signor Cantabili. Il n'en remerciait pas moins Lady Arabella, dit-il, de vouloir bien permettre à sa nièce de recevoir ses leçons avec ses filles. Lady Arabella ne manqua pas de prendre feu. Elle ne voulait pas qu'il payât, elle ne voulait pas surtout que ses leçons fussent un sujet de dépense pour Miss Thorne. Mais en cela, comme pour le reste, le docteur n'en fit qu'à sa tête. La réconciliation étant encore toute récente, Lady Arabella n'osa pas résister, et elle dut se résigner à voir Mary Thorne recevoir des leçons chez elle avec ses filles sur un pied d'égalité. Le pli une fois pris, il était difficile de le changer, d'autant plus que Mary savait se faire aimer et que la demoiselle Gresham avait conçu pour elle une vive affection. Mary Thorne apprit donc la musique à Greshamsbury, et indépendamment de la musique, elle apprit à se conduire, à s'exprimer, à s'habiller et à causer comme les autres jeunes filles de son âge. Douée de dispositions heureuses, elle apprit tout cela rapidement et acquit même une teinture de français avec l'institutrice française qui se tenait toujours dans la chambre d'études. Quelques années plus tard, un nouveau recteur était venu se fixer au presbytère avec sa sœur. Mary étudia avec sa dernière l'allemand et le français. Le docteur lui-même la guida dans le choix de ses lectures et sut imprimer à l'esprit réfléchi de la jeune fille une direction noble et élevée. C'est ainsi que s'acheva l'éducation de Mary. Je devrais nécessairement faire son portrait et le flatter un peu comme un portrait d'héroïne. Mais ses qualités sont plus présentes à ma mémoire que sa figure et sa personne. Je me souviens qu'elle était loin d'être grande et que son extérieur n'avait rien qui frappât à première vue. Elle avait de petits pieds et de petites mains, des yeux très brillants quand on les regardait attentivement, mais pas assez brillants pour éblouir tous ceux qui l'entouraient. Ses cheveux bruns foncés étaient simplement retenus en arrière par un peigne. Ses lèvres étaient minces et sa bouche manquait peut-être d'expression, mais lorsque la conversation l'intéressait, cette bouche avait des lignes d'une énergie extraordinaire. Bien que calme et réservée dans ses manières, Mary pouvait à l'occasion s'exprimer avec une vivacité qui surprenait ceux qui ne la connaissaient pas, et quelquefois même ceux qui la connaissaient. Vivacité n'est pas le mot. C'était plutôt une concentration de passion qui la rendait pour le moment parfaitement indifférente à toute autre cause que celle qu'elle plaidait. Cette véhémence de caractère avait quelquefois causé quelque chagrin à son oncle et à tous ceux dont elle était aimée. Cependant, c'était peut-être à cette véhémence qu'elle était redevable de leur affection. Une fois entre autres, elle avait manqué être bannie de Greshamsbury, mais l'affaire avait tourné à son avantage et elle était si fermement ancrée au manoir que Lady Arabella elle-même aurait eu de la peine à lui faire perdre pied dans la maison. Une institutrice française venait d'arriver à Greshamsbury. Elle était douée de toutes les qualités qu'une institutrice peut posséder, et de plus était une protégée du château de Courcy. C'est dire que les bonnes grâces de Lady Arabella lui étaient assurées. Peu de temps après son arrivée, un médaillon de prix appartenant à Augusta vint à manquer. L'institutrice était opposée à ce qu'il fût porté dans la chambre d'études, et une jeune bonne, fille d'un petit fermier du voisinage, avait été chargée de le porter dans la chambre d'Augusta. Le médaillon ne se retrouvant pas, on fit des recherches minutieuses. Il fut enfin retrouvé par l'institutrice parmi les affaires de la jeune bonne. La malheureuse enfant protesta de son innocence. Ses pauvres parents étaient au désespoir, mais rien ne put fléchir le courroux de Lady Arabella. Cependant, Mary Thorne avait des raisons particulières pour croire à l'innocence de la jeune bonne, et sans hésiter, elle accusa hautement l'institutrice du vol. Pendant 2 jours, elle partagea presque la disgrâce de la fille du fermier, mais elle ne se rebuta pas. Voyant que Lady Arabella ne voulait pas l'entendre, elle s'adressa à M. Gresham, força son oncle à se mêler de cette affaire, gagna à sa cause tous les potentats de Greshamsbury et finit par amener Mme Larron à confesser sa faute. À partir de ce moment, Mary fut chère à tous les tenanciers de Greshamsbury et particulièrement aux habitants d'une petite ferme dont le propriétaire déclarait souvent que pour Miss Mary Thorne, il tiendrait tête à qui que ce fût, homme ou diable, duc ou magistrat. Ce fut ainsi que Mary grandit sous les yeux de son oncle et qu'au commencement de notre histoire, nous la voyons figurer parmi les autres invités à Greshamsbury à l'occasion de la fête donnée en l'honneur de Frank Gresham. On se souviendra qu'elle était alors arrivée au même âge que lui.